Est-ce que tout innovateur se met à l'égal d'Allah? Cheikh Abdelrahman Al-Barrak répond. Question. La question est qu'il y a une confusion chez moi dans une parole de l'imam Shatibi. Il dit, certes, l'innovateur s'est érigé à l'égal du législateur, etc. Et la confusion, c'est que d'après ce que je sais, le cheikh interrompt. Mon frère, cela veut dire que ceci est du domaine de la conséquence de cela. La conséquence d'un acte ne fait pas réellement partie de l'acte en question, comme l'expliquent Ibn Taymiyyah et Ibn Hazm, ainsi qu'Al-Qadi'iyyat et d'autres. Ça veut dire comme s'il était comme ça. Mais si quelqu'un venait dire « comme Allah dit », et qui est plus injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah ou prétend qu'une révélation lui est faite? Sourate 6, verset 93. Ou si quelqu'un venait dire « je suis un législateur », ceci est un mécréant impie. Mais ici, ce qu'on veut dire, c'est que c'est comme si l'innovateur disait ça. C'est comme si tu disais que la sharia est incomplète. C'est comme si tu disais que tu es un législateur. Ceci est plutôt comme un avertissement. Mais ça ne veut pas dire que tout innovateur aura ce statut. Question. Ça veut dire que l'innovateur ne se met pas réellement à l'égal d'Allah? Mais c'est une conséquence de ce qu'il fait, c'est ça? La réponse. C'est une conséquence, oui. Lorsque tu lui dis, ce que tu fais là, le prophète ne l'a pas fait. C'est comme si tu trouvais que sa religion était incomplète. C'est comme si tu légiférais avec le prophète. Question. Oui, j'ai compris, Shir. Shir, j'ai entendu dire que ce n'est pas toute personne qui s'érige à l'égal d'Allah qui est forcément un idolâtre, mais qu'il peut quand même être musulman, que ça peut être du petit shirk. Réponse. Non, ça ne peut pas. Celui qui se met à l'égal d'Allah, dans quoi que ce soit, celui qui se met à l'égal d'Allah, c'est une croyance étonnante. Celui qui dit « j'impose comme Allah impose », le juge comme Allah juge. Le questionneur, c'est un idolâtre, sans aucun doute, le shir. C'est un idolâtre mécréant. Le questionneur, c'est même bien un tarout, le shir. C'est un tarout, oui. Pourquoi Allah a-t-il ordonné aux anges de se prosterner devant Adam? Par le savant et docteur Abdelrahman Ibn Nasser al-Barrak. Et pourquoi les frères de Youssouf se sont-ils prosternés devant Youssouf? Ce que je connais, c'est que la prosternation ne peut être que pour Allah. Réponse. Louange à Allah. La prosternation a deux cas de figure. 1. Par vénération et pour se rapprocher de ce pourquoi on se prosterne. Et ceci est une prosternation d'adoration qui ne se fait que pour Allah uniquement. Et ce, dans toutes les lois. 2. Par salut et pour faire honneur. Et c'est cette prosternation-là qu'Allah ordonna aux anges envers Adam. Et se sont donc prosternés pour l'honorer. Et cela fut une adoration d'Allah, subhanahu, lorsque ceux-ci obéirent à son ordre de se prosterner. Quant à la prosternation des frères de Youssouf envers Youssouf, c'est également une prosternation de salut et d'honneur. Et cela était permis dans leur loi. Par contre, dans la loi avec laquelle est venu le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est absolument pas permis de se prosterner pour un autre qu'Allah. Et c'est pour cela qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner pour un autre qu'Allah, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à Mourad de se prosterner devant lui, lorsque celui-ci dit que les gens du livre se prosternaient pour leur chef. Puis il cita le hadith précédent. Et l'interdiction absolue de se prosterner pour un autre qu'Allah dans cette législation qui est la nôtre est pour parfaire la réalisation du monothéisme qui est une législation parfaite dans toutes les règles qu'elle englobe. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous ».